Hola, buenas. Tercer grabación, punto 4, 7, 4, 7, 6. Oye, male parece. Se. Chaca la cache, piquini, se. Yo coloco cara cara, diki diki, boco boco, chiqui chiqui, bala bala, chiqui chiqui, loco loco, chiqui chiqui, la, chaque chaco, chaca chaca chac, chac, chaca chaca che, chiqui chiqui chiqui chiqui, chaca chaca che, chaca chaca chiqui chiqui, chaca chaca che, oh maniré, oh maniré, oh maniré. Oh, va, ya está. Toco, toqui, taqui, toqui, tocatún. Taqui, toqui, tocatel. Quito, toqui, tocatún. Hoy no vas a hacer una casa. Hoy no vas a hacer la mejor fiesta de tu vida. La la la la la la la la la la la la la la la la le le le te que te chaca te que te chaca ta te chiquitín ale fore ale sale fore. Si le fare ya, vele a Kiranizo, faga la vallicicle, vale. O fache, fache, fache. O fache, gale, vale, chaque na vera ye, yo. O valle, fache, gale, valle. O fache, gale, valle, fache, gaboye. Ay, aje, vallo, catera. Ah, valle, gato, valle, guiti. Oh, valle, gate, oh, valle, cata. Oh, valle, valle, valle, valle. Oh, valle, valle, valle, valle. Oh, valle, valle, valle, valle, valle, valle. Oh, valle, valle, valle. Oh, valle, valle, valle, valle. Oh, valle, valle, valle. Oh, vaya, vaya, vaya. Et donc, en hydro, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco, en du coco,